T'es qu'une image de 0 balles, tu fais pas la taille. Tu sais que mon talent est aussi grand qu'une tour à Manhattan. Petit combattant, plein d'envie et talentueux. Don musical, une sorte de flamme qui te fait mal aux yeux. Je suis pas comme vous, moi je me trouve entre l'homme et l'âme. Je te l'ai dit, on me connaît pas, mais tout le monde me trouve phénoménal. Je suis comme Black qui veut se battre pour honorer ses rôles. Montrer que le ghetto et la cité n'héberge pas que les zéros. Ambitieux, je foque la démotivation. Dynamique, à moi tout seul, je suis une lettre de motivation. Moi j'en ai marre de grailler les miettes. La vie nous met des breaks. J'aimerais savoir si Jean-Marie a déjà dit ouais, je suis bien croqué en grec. Depuis tout petit, ma matière préférée, bah c'est le sport. Aujourd'hui je passe mon temps à rattraper les transports. Mais faut des pansements au cas où si le temps se corse. Dans ma routine, trop de jours je suis attristé. Mais je baisse pas la tête, je suis toujours là pour insister. Je veux trouver ma direction, mais je veux pas être assisté. À cette heure-ci, tous mes rêves viennent se briser. À cause de mythos, de plans et d'hypocrisie. Dans ma routine, y'a trop de bitch qui en veulent que pour ta maille. Mets-toi à genoux, suce ma bite et vas-y, avale. Wake up, ma routine c'est la l'air qui a gaila. C'est dans le noir comme nos pères qui a assez d'art. Seules les montagnes ne se croisent pas, prends garde aux représailles si nos regards s'entrecroisent. Gars, ouais, gars, ma routine c'est la l'air qui a gaila. C'est dans le noir comme nos pères qui a assez d'art. Seules les montagnes ne se croisent pas, prends garde aux représailles si nos regards s'entrecroisent. Gars, en fait, beaucoup de mecs veulent ma perte, c'est trop sec, trop d'infex. Ferai une fête, le lendemain de mes obsèques. J'rappe pas pour ces lopettes, pas pour la dila. Ma vie rêve de billage, faut pas que je la fume en un dila. Ma routine, un flash, un pochon et du bif. Alors fais flaf, tire comme un cochon sur ton spiff. J'm'en pif, fous le feu pour saper ces hommes passifs. Aveugle, la merde dans les yeux, ils ont pris un laxatif. Rien que ça taf, et que ça se tue au cœur de cette balade. Allégresse, lassitude, je me situe dans un monde malade. Ça pique, ça bat, de la vie est rude, c'est pas des salades. J'm'entraîne, mets-moi une droite, j't'enchaîne une parade. Wake up, ma routine c'est la l'air qui a gaila. C'est dans le noir comme nos pères qui a assez d'art. Seules les montagnes ne se croisent pas, prends garde aux représailles si nos regards s'entrecroisent. Gars, ouais, gars, ma routine c'est la l'air qui a gaila. C'est dans le noir comme nos pères qui a assez d'art. Seules les montagnes ne se croisent pas, prends garde aux représailles si nos regards s'entrecroisent. Gars, ce que je kiffe c'est baffer le son, éclater le sang, le beat le foutre en sang, et t'as fumé le son, et battre les gens, faire du son, 100% maison, rien de plus alléchant. L'amour du rap, de la chanson, voilà ce qui me pousse à t'échanger. Je fais ça 7 sur 7, tu connais les bails. H24, c'est sur ça que tu reconnais le style. Ma routine, c'est rap sous les sports. Le FN, pour les faire couler ses pores. Faut que j'ai l'or et que mon crew éclore. Ça s'éclaire sur cette terre. Ceux qui veulent ma peau, leur baiser leur mère. Sur cette terre et pas se taire, j'en fais mon affaire. Avec de l'amour, à mon douze, mon âme a mis fin. Je vous aime tous, un big up, ma femme a mis fin. Comme d'hab, je me suis même pas levé. Que déjà ma routine me rend malade. Je ne suis plus même devant mon miroir. Je change, pourtant mes proches n'ont même pas l'air de s'en apercevoir. Ma routine m'abîme et me laisse en chien d'espoir. Comment y croire, comment y voir? Plus loin que le bout de son nez, sonner, d'être retourné, posé sur un banc tranquillement et voir passer le temps. Je t'avoue que c'est dur quand la hutte pousse à l'usure, que ça perdure. J'ai perdu trop de potes, fermé des portes et mis mes carottes. Bien profonde, cela non qu'à se morfondre. Bien cotigeant auprès des gens, mais trop de cons pour voir les bons. Les gens me niquent en secret, ils sont uniques. Mais je reste dans le 3-6 à bouger la tête sur du G-Unit. Tu vois les bails, j'suis pas des tailles. La vie me graille et ça me travaille. J'trouve la faille sans détail, j'suis de la bataille. Avant que je ouais, gars, ma routine c'est la l'air qui a gaila. C'est dans le noir comme nos pères qui a assez d'art. Seules les montagnes ne se croisent pas, prends garde aux représailles si nos regards s'entrecroisent. Gars, ouais, gars, ma routine c'est la l'air qui a gaila. C'est dans le noir comme nos pères qui a assez d'art. Seules les montagnes ne se croisent pas, prends garde aux représailles si nos regards s'entrecroisent. Gars.